Bienvenue à Méloman sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce 2 octobre 2019. Content de vous retrouver ce soir et gros merci en passant pour tous vos beaux commentaires d'appréciation du jukebox Méloman de la semaine passée. J'avoue que moi aussi ayant un faible pour la musique de ces années-là, j'ai bien aimé ça. En fait, j'avais essayé de vous concocter au meilleur de mes connaissances l'ultime compilation du genre. Et heureusement, tout ce travail est immortalisé. Juste à adhérer au groupe Méloman sur Facebook pour avoir accès à tout ça. Mais là, ce soir, après un radio pirate et un super jukebox Méloman, on va retrouver le confort de nos pantoufles pour un petit varié format classique, tout simplement. Mais vous le savez, ça veut absolument rien dire. Une surprise à chaque coin de rue nous attend. Plein de petits bijoux. On commence ça tout de suite avec... Et pour ce faire, on y va avec un des membres les plus illustres du fameux Rat Pack, avec une chanson qui a originellement fait son introduction dans le film Amour, délices et golf de Caddy en anglais auprès de son acolyte de toujours Jerry Lewis. On remonte en 1953 avec Dean Martin au 99.1 et 88.9 CFNJ. In Napoli, where love is king, when boy meets girl, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. When the stars make you drool just like pasta fazool, that's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore, amore, that's amore. I saw her sitting in the rain, raindrops falling on her. She didn't sat there and smiled at me. Then I knew she could make me happy. Happy. She could make me merry. Flowers in her hair, flowers everywhere. I love the flower. Oh, I don't know just why. She simply caught my eye. Say hello. Hello, hello. She smiled up at me. Hello, and then she took my hand and we walked through the park alone. And I knew she had made me happy. Happy. She had made me merry. Flowers in her hair. Suddenly the sun broke through. See the sun. I turned around, she was gone. Where did she go? All I had left was one little flower in my hand. But I knew she had made me happy. Happy, happy. She had made me merry. Flowers in her hair. Just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you, baby, like a mine of love gold. Come on, sugar, let the good time roll. Hey. People live and make believe. They keep a lot of dirt up their sleeve. But my love, baby, isn't the kind that fools. Come on, baby, let the good times roll. Hey. Thank you. love's nice if it's understood. It's even nicer when you're feeling good. You got me flipping like a flag on a pole. Come on, sugar, let the good time roll. Hey! Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Thank you. toujours en ce mercredi soir. Vous êtes en plein mélomane sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9. Encore une fois, plein de petites trouvailles, un mélange assez hétéroclite et un bloc qui vient de se terminer tout en guitare avec d'ailleurs un des guitaristes les plus influents dans le monde, rien de moins, quelqu'un qui est considéré comme le père de la guitare classique moderne, le compositeur espagnol Francisco Tárrega, avec une de ses pièces les plus connues, le fameux Capriccio arabe de 1892, que j'ai moi-même eu le plaisir, de façon anecdotique, le plaisir d'apprendre auprès du grand Gary Antonio lors de mes études en musique, un prof que j'ai beaucoup aimé. Tárrega qui a aussi composé la fameuse Recuerdos de la Alhambra, qu'on fera sûrement tourner un de ces quatre. Et bref, c'est une version de David Russell à la guitare qu'on a entendu ici du Capriccio arabe, qui suivait un air mémorable d'un gars qui s'est maintenant exilé au Japon depuis plusieurs années, un Français du nom de Claude Chiari, qui avait aussi fait partie du groupe Les Champions dans les années 60 en France, pour faire compétition au Chat Sauvage de Dick Rivers, qui était très fort dans les palmarès à l'époque. Bref, longue histoire courte, Claude Chiari va partir pour se commettre en carrière solo pour connaître son plus grand succès instrumental qu'on a entendu ici, La Playa, magnifique pièce intemporelle de 1964 qui précédait nul autre que Nino Ferrer avec Le Téléphone, 1967. Sinon, un an plus tard, 1968, juste avant, tiré du légendaire album double Electric Ladyland du Jimi Hendrix Experience, leur troisième et dernier album, en fait, avant qu'Hendrix parte sur son bord avec le Band of Gypsies. On en reparlera de ça éventuellement parce que c'est tout un album. Mais bon, The Jimi Hendrix Experience qu'on a entendu ici avec une reprise de Come On, Let the Good Times Roll, une composition d'Earl King, figure très importante du R&B de la Nouvelle-Orléans. Et on a aussi entendu les Cow Seals en 1967 avec leur seul hit en carrière, mais tout un hit, soit The Rain, The Park and Other Things. Et là, nous, ben, on y retourne déjà avec un chanteur que vous connaissez peut-être comme celui qui a remplacé David Lee Roth au sein de Van Halen, et j'ai nommé Sammy Hagar, qui avait son groupe avant tout ça dans les années 70. En fait, on l'écoute en 1973 avec son groupe Montrose, toujours 99.1 et 88.9 CFNJ.

integrity. The small town eyes will gape at you in dull surprise when payment due exceeds accounts received. It's 17. Valentines that never came, and those whose names were never called when choosing sides for basketball. It was long ago and far away. The world was younger than today, and dreams were all they gave for free to ugly duckling girls. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Thinks we're all the mother. Who are they to judge us? Mother, mother, simply call us we wear our hair long. Mother, mother, ooh.

ciel partiellement nuageux sur la Naudière pour les prochaines heures avec des minimums entre 2 et moins 1 degré, du gel au sol sur les secteurs du nord. Jeudi, alternance de soleil et de nuages, maximum de 8 à 9 degrés et on prévoit de la pluie intermittente. Pour vendredi, sur les secteurs centre et sud de la Naudière, alternance de soleil et de nuages pour le nord, les maximums de 7 à 11 degrés. CFNJ 99 à 89. Et toujours en plein mélomane ce soir avec quelques petites gâteries pour les amateurs de rock progressif. D'ailleurs, il y en aura toute une en fin d'émission. Mais c'est une surprise. Pour l'instant, un bloc qui vient de se terminer en beauté avec le groupe Yes, tiré de leur troisième album, The Yes Album, en 1971. Album qui, selon plusieurs, sera celui où le groupe va trouver son son particulier avec l'arrivée du guitariste virtuose Steve Howe, mais pas encore Rick Wakeman, qui va arriver seulement sur le magnifique album suivant, Fragile, la même année, un peu plus tard, la même année, presque en 72. On a entendu ici Yours Is No Disgrace, qui suivait la même année, toujours en 71, le grand Marvin Gaye avec Inner City Blues, Make Me Wanna Holler, dernière du très grand album What's Going On, un album qui va représenter un point tournant chez la fameuse maison de disques Motown. Jusqu'à ce moment-là, en fait, les boss de Motown, Berry Gordy et on pourrait dire Smokey Robinson, tenaient les rênes assez serrées côté composition. Ils préféraient que, comment dire, leur équipe de compositeurs assure tout le côté créatif de la fameuse Hit Factory en ayant mainmise sur tout ce qui allait sortir de la boîte. On peut pas dire qu'on les comprend pas, ça avait quand même été un succès colossal jusque-là. On a juste à penser aux Temptations, les Four Tops, les Supremes, les Jackson 5 et j'en passe. Mais là, on était au tournant des années 70, au lendemain de la guerre du Vietnam, etc. Et là, notre cher Marvin Gaye va décider de composer un album en entier, soit le fameux What's Going On, qui avait des thèmes pas mal plus politisés, qui nous parlait même d'environnement sur Mercy, Mercy Me, en 71. Il aurait peut-être fallu écouter tout ce beau monde-là à ce moment-là, mais bref, ça n'a pas plu à ce cher Berry Gordy, le beau-père de Marvin à ce moment-là, qui va finir par sortir l'album, qui va devenir son plus grand succès en carrière, même si Berry Gordy disait que c'était affreux, histoire classique, mais l'idée, c'est que ça va ouvrir la voie à la composition à plusieurs artistes chez Motown. Donc, on pense seulement à la flopée de classiques que va nous pondre Stevie Wonder dans les années qui vont suivre, qui aurait peut-être jamais vu le jour sans What's Going On. Et non seulement ça, mais c'est aussi Marvin Gaye qui va être le premier à finalement donner le crédit à tous les Funk Brothers, le fameux house band de Motown, qui jusqu'à ce moment-là travaillait dans l'anonymat le plus complet. C'est eux qui ont joué sur tous les hits qu'on connaît de cette boîte-là. Donc voilà pour la petite histoire de What's Going On, un album très important. On en reparlera sûrement si on fait un spécial Motown éventuellement. On en a déjà fait un, mais c'est toujours bon du Motown. Et sinon, ben juste avant ça, on a entendu plein de trucs. La seule et unique Madame Diane Dufresne avec 20e étage, composé par son tandem éternel Luc Plamondon et François Cousineau en 1977 avec une ligne de basse de feu de Michel Dion. Des beaux arrangements pour les cuivres de Richard Ferland qui est responsable d'un des traités d'harmonie jazz les plus importants au Québec. Rien que ça, donc on peut dire que tout un line-up pour Madame Dufresne en 77. Luc Plamondon, François Cousineau lésinaient pas sur les musiciens, disons. On a aussi entendu One Hit Wonder, ou presque, pour Janis Ian en 1975 avec la magnifique At 17, qui suivait une chanson qui va toujours être dans mon top personnel. Alone Again, Naturally, un gros hit pour Gilbert O'Sullivan en 72. Gilbert O'Sullivan qui va aussi nous donner le succès Claire. Et le tout amorcé par Rock Candy de Montrose avec Sammy Hager, comme je vous disais plus tôt. Mais là, on y va avec un groupe que tout le monde connaît, mais qu'on connaît pas tant que ça, finalement. Un groupe qui a commencé quand même fin 60 comme un groupe de blues, fondé par un excellent guitariste du nom de Peter Green. C'est d'ailleurs lui qui a écrit Black Magic Woman en 1968, et oui, plusieurs années avant que Santana fasse leur version latine qu'on connaît tant. Bref, beaucoup plus tard, plusieurs changements de personnel plus tard aussi, avec l'arrivée entre autres de Stevie Nicks et Lindsey Buckingham, ils vont finir par nous pondre Rumours en 1977, un des albums les plus vendus de tous les temps, tout simplement. Mais entre-temps, ça les a pas empêchés de faire quand même de la maudite bonne musique quand même. On écoute un groupe que vous connaissez, mais qu'on connaît pas tant. Fleetwood Mac au 99.1 et 88.9 CFNJ. Yes, the same kind of story seems to come down from long ago. Two friends having coffee together, when something flies by their window. It might be out on that lawn, which is wide, at least half of the playing field. Because there's no explaining, your imagination can make you see and feel. Somebody wants me, and you're hypnotized. Now it's not a meaningless question to ask if they've been and gone. I remember a talk about North Carolina in a strange, strange pond. You see, the sides were like glass in the thick of a forest without a road. And if any man's hand ever made that land, then I think it would have sold. And that's why it seemed like a dream. They got me hypnotized. And I knew that's right. Like a dream.

city. Until you've seen this trash can dream come true, you stand at the edge while people run you through. And I thank the Lord there's people out there like you. I thank the Lord there's people out there like you. While Mona Lisa's and Mad Hatters, sons of bankers, sons of lawyers, turn around and say good morning to the night. For unless they see the sky, but they can't, and that is why. They know not if it's dark outside or light. This Broadway's got, it's got a lot of songs to sing. If I knew the tunes, I might join in. Go my way alone, grow my own seed shall be sown in New York City. Subway's no way for a good man to go down. Rich man can ride, and the hobo he can drown. They can, and that is why. No, not if it's dark outside or light. Now I know Spanish Harlem are not just pretty words to say. Never grow in New York City. Subway's no way for a good man to go down. Rich man can ride, and the hobo he can drown. And I thank the Lord for the people I have found. I thank the Lord for the people I have found. While Mona Lisa's and Mad Hatters, sons of bankers, sons of lawyers, turn around and say good morning to the night. For unless they see the sky, but they can, and that is why. They know not if it's dark outside or light. They know not if it's dark outside or light. The sun, it only comes out when the moon is on the run, and all the stars. her as she grows in my garden. Watch her as she grows in my garden. There is a rose in Spanish Harlem. La la la la la la la la la. There is a rose in Spanish Harlem. La la la la la la la la la. There is a rose in Spanish Harlem. Et toujours en plein mélomane sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 avec un gars dont on a parlé brièvement la semaine passée lors du grand Jukebox Mélomane. J'ai nommé Ben E. King, ancien membre des Drifters, à qui l'on doit entre autres le fameux hit interplanétaire Stand By Me, mais qu'on a entendu ici avec son deuxième plus gros succès en carrière solo, soit Spanish Harlem de 1961. Et c'est pas innocent, c'est pas un hasard si on l'a entendu juste après Mona Lisa's and Mad Hatters d'Elton John en 1972, tiré de l'excellent album Honky Chateau, parce que la pièce en question, plutôt les paroles de Bernie Taupin, partenaire de toujours d'Elton John, font directement référence à Spanish Harlem de Ben E. King. Donc, tout est dans tout, comme dirait ce cher Raoul Duguay. Et sinon, ben juste avant ça, on a entendu un auteur-compositeur cruellement méconnu que je vais me faire un devoir de vous faire jouer à l'occasion de l'émission. Il s'agit d'Harry Nilsson, partenaire de brosse de John Lennon lors de son fameux Lost Weekend, une période où John est parti sur la côte ouest américaine avec May Pang, l'assistante de Yoko. May Pang qui avait grandi où? Accrochez-vous bien, Spanish Harlem, quand je vous dis que tout est dans tout. Mais bref, Harry Nilsson, c'est beaucoup plus que ça. Un gars à l'origine de succès comme One ou Without You, que Mariah Carey va reprendre beaucoup plus tard, de qui la carrière est parsemée de petits bijoux méconnus. Un gars mort assez jeune, un compositeur très estimé des Beatles, entre autres, dès 1967. Donc, on parle de l'année de Sgt. Pepper's. Bref, ayez pas peur, on va en reparler de lui éventuellement. On l'a entendu ici avec une pièce fort sympathique de 1970 du nom de Me and My Arrow, qui servait de trame sonore à un film d'animation qui s'appelait The Point et qui va être mis en onde, sur ABC un petit peu plus tard, en 1971. Et imaginez-vous que j'ai vu passer aujourd'hui qui était pour ressortir le film pour son 50e anniversaire. Donc, voyez-vous, on est dans à Mélomane. Et contre toute attente, on a aussi fait un petit détour en 1941 et imaginez hein, avec Chattanooga Choo Choo, une pièce composée par Mac Gordon et Harry Warren, dont on a parlé brièvement la semaine passée pour avoir composé I Only Have Eyes for You, popularisé par les Flamingos. Mais Chattanooga Choo Choo, c'est définitivement Glenn Miller et son orchestre qui l'ont popularisé. Glenn Miller, d'ailleurs, qui est mystérieusement disparu après avoir pris l'avion le 15 décembre 1944. Étant donné qu'on n'a jamais retrouvé sa dépouille, ben, c'est toujours resté un des grands mystères de l'histoire de la musique. Et sur ce, écoutez, on repart la machine avec un grand guitariste dont on parle pas assez souvent. On écoute Jeff Beck, 99.1 et 88.9 CFNJ. Mmh. We'll be right back. La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. Un menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire, qui consiste en poésie, à n'employer que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigt et du baise-doigt. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart et Morcel, accompagnés à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Rutebeuf avait faim. Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu'à en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir? Avec nos avions qui damnent le plomb au soleil. Avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues. Avec nos âmes en rade au milieu des rues. Nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le vers doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie, on n'apprend pas. On se bat. And kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue of thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl, child in the dark. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Méloman avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 Et oui, j'avoue, c'était un bloc assez contrastant, merci, qui s'est terminé avec cette chère France Gall qu'on aime d'amour. Assez tôt en carrière, quand même, en 1964, avec Ne dis pas aux copains, qui suivait de manière assez fortuite un extrait d'un album des plus influents des années 60, j'ai nommé le premier album du Velvet Underground, The Velvet Underground and Nico, 1967. Un album qui... initialement, a pas vendu des masses, on parle de quelques 30 000 copies, mais comme l'a déjà dit Brian Eno, chacune des 30 000 personnes qui ont acheté l'album, c'est parti un groupe, une influence qui peut se comparer un peu à l'avènement du punk, première vague, pas tellement des ventes incroyables, ça restait somme toute assez marginal, mais l'influence que ça a eu, bien au-delà du son punk lui-même, a été incalculable. On a entendu ici Lou Reed, qu'on va connaître plus tard pour Walk on the Wild Side, avec Venus in Furs, une chanson qui traitait de sadomasochisme, imaginez, un sujet pas si populaire que ça, en plein été de l'amour, 1967. Donc, le Velvet Underground, qui était quand même assez out à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle être en marge. Et parlant d'être en marge, on a entendu l'anarchiste Léo Ferré, juste avant, avec sa déclamation apocalyptique de la préface tirée de l'album « Il n'y a plus rien » de 1973. Pas toujours des plus joyeux, Ferré, mais toujours impressionnant et plus grand que nature, surtout dans cette pièce-là. Et tout ça amorcé par un guitariste complètement unique qui va autant influencer les bluesmen que les gars de fusion, jazz fusion des années 70. Jeff Beck, qui nous vient des Yardbirds et compagnie, avec Come Dancing, extrait d'un de ses deux albums les plus importants des années 70, soit Wired en 1976. Mais Jeff Beck, c'est certain qu'on va en reparler prochainement. Juste l'histoire des Yardbirds, groupe duquel Beck est issu, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, je suis pas convaincu que la pièce que je vous ai mise ce soir rend vraiment justice à tout son talent. Chose certaine, on va y revenir. Et là, on se quitte déjà parce que j'ai une belle petite gâterie pour les fans de rock progressif. En fait, pour le plus grand plaisir des uns et au plus grand dame des autres, une pièce que vous aurez rarement entendue en version intégrale à la radio, vous pourrez dire que c'est déjà arrivé à Méloman, considéré par plusieurs comme un des sommets atteints par le groupe lui-même et dans le prog en général. On se dit à la semaine prochaine, mercredi 20h, et on se transporte en 1972 alors que le souper est prêt. On écoute Genesis au 99.1 et 88.9 CFNJ. OK, bye. Walking across the sitting room, I turn the television off. Sitting beside you, I look into your eyes. As the sound of motor cars fades in the night time, I swear I saw your face change. It didn't seem quite right. And it's hello, babe, with your guardian hair so blue. Hey, my baby, don't you know our love is true? Coming closer with our lives, a distance falls around our bodies. Out in the garden, the moon seems very bright. Six saintly shrouded men move across the lawn slowly. The seventh walks in front with a cross held high in hand. And it's hey, babe, your supper's waiting for you. Don't you know our love is true? far from here, far from your warm arms. It's good to feel you again. It's been a long, long time. Isn't it? wandering in the chaos the battle has left. We climb up the mountain of human flesh to a plateau of green grass and green trees full of life. A young figure sits still by a pool. He's been stamped human bacon by some butchery tool. Social security took care of this lad. We watch in reverence as Narcissus is turned to a flower. A flower? If you go down to Willow Farm to look for butterflies, butterflies, butterflies, your eyes, it's full of surprise. Everyone lies like the fox on the rocks. And the musical box. Oh, there's mom and dad, and good and bad, and everyone's happy to be here. There's Winston Churchill dressed in drag. He used to be a British flag. Like blue. Hey, my baby, don't you know our love is true?